بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 13. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الموضع السادس. الآن نكمل بإذن الله السادس. قال الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب كشف الشبهات وفي كذلك تطهير الاعتقاد أن الإمام الصنعاني وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب ils ont expliqué cette shubha. Ah, le fait de dire la ilaha illallah, voilà aussi la contredit, ça reste un musulman. On sait que cette kalima la ilaha illallah, elle a des annulations. Enfin, celui qui l'annule, elle lui sert à rien. Amma ha'oula, ils disent, Abdullal, yaqouloun, anna man qal la ilaha illallah, la yakfur bishay. Tant qu'il dit la ilaha illallah, quoi qu'il fasse, il ne sort pas min al-islam. Ah, c'est pas sahih. Cheikh l'islam, wa rahimahullah. Pour montrer أن هذا الكلام il est باطل أي من قال لا إله إلا الله لا يكفر بشيء هو il va leur répondre avec cette قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. C'est des personnes qui disaient لا إله إلا الله. Quand le prophète il est mort عليه الصلاة والسلام ils sont sortis من الإسلام. Ça te montre et ça te prouve أن بعض الناس ils disent لا إله إلا الله لكن s'il l'annule elle lui sert à rien. سيأتي التفصيل من كلام الشيخ الفوزان. نحن نعيش هذه المسألة كما نادي كشف الشبهات تطهير الاعتقاد كذلك في الواجبات في نواقض الإسلام. ونعيش في التفصيل الانولاسيون de لا إله إلا الله الانولاسيون de الإسلام. في هذه الشوز كي انول الإسلام ولو سي لا بيرسون يدي لا إله إلا الله. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله قال يقول علماء الضلال عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، فهذه الأمور لا تضره. هذا تناقض، لأن سيد لا إله إلا الله يتموني أن personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. الآن يدي cette كلمه يتموني que Allah c'est lui qui mérite l'adoration ثم il adore autre. تناقض، il se contredit. Et cette contradiction, elle annule son dîn, elle annule son islam. Et Allah, il fait une chose qui contredit sa aqidah, qui contredit sa shahada. Qala Cheikh Al-Fawzan, kayfa yaqul la ilaha illallah wa yad'u ghayra Allah. Ça va pas ensemble, abadan. Il dit une chose et il la contredit. Ça va pas ensemble. Tanaqud. Qala idhan ma ma'na la ilaha illallah. Al-an, il y a deux possibilités, il y a deux cas. Imma, il dit la ilaha illallah et en fait il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il l'a contredit. Imma, il sait ce qu'il dit et il l'a contredit. Un des deux. Je ne peux pas dire tawhid c'est haq et shirk c'est haq. C'est pas possible. Qala idhan ma ma'na la ilaha illallah. Al-an, c'est une question qu'il pose sur le Fawzan. Ayyuha al-muslim, tu dis la ilaha illallah. Kalima azima. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé المخلوقات من أجل هذه الكلمة. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسمعنا لا إله إلا الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فسي on pose la question à un musulman, tu dis la ilaha illallah et pour toi c'est la parole la plus importante, pour toi c'est le premier pilier de l'islam, tu dois savoir c'est quoi ما معنى لا إله إلا الله. On doit savoir نحن la réponse. فسي tu connais la réponse, applique-la et ne la contredis pas. Amma, si tu la contredis, c'est une kalima qui ne sert pas à grand chose, qui ne sert à rien. Voilà, c'est marouf. dans la vie de tous les jours, tout le monde accepte ça. Wahad il dit demain je vais faire kada et il ne le fait pas. Ça ne lui sert à rien du tout. Ah oui, dit moi je suis kada et il se contredit. Kalima, elle ne sert à rien du tout. Nous on regarde l'amal, on regarde la réalité des choses. Fallabun inzan son kalam, il suit avec l'amal. Qala, le Cheikh Al-Fawzan, qala la ilaha illallah laysat mujarrad qawl yuqal bil lisan. Si la ilaha illallah, ça serait qu'une parole avec la langue, elle aurait été utile au munafiq. Elle aurait été utile au munafiq. Léna le munafiq, il l'a dit. Munafiq, comme ta'lamoun, c'est un hypocrite. Et l'hypocrite, c'est celui qui fait apparaître l'islam. Et parmi l'islam qui fait apparaître, il témoigne. Un la ilaha illallah. Wa Muhammad Rasulullah. S'il n'aurait pas dit la shahada, ça ne serait pas un hypocrite. Ça serait un kafir wadih. Mais c'est quoi l'âne qui différencie l'hypocrite du kafir? C'est que l'hypocrite, il fait apparaître l'islam. Il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il fait le hajj, il fait le salat et l'akhirah. Lakin au fond de lui, c'est un kafir. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فإتمن أن محمد رسول الله لا شك سيديز محمد رسول الله يديز لا إله إلا الله فمالغري سا الله سبحانه وتعالى ينمط في القرآن أنهم سيدي كفار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار المنافقين في النار لا غراند هيبوكريزي النفاق الاعتقادي. Ça aurait été suffisant de dire la parole la ilaha illallah comme il pense Ba'd al-Juhal, al-Munafiq il serait fil Jannah. Qala la ilaha illallah laysat mujarrad qawl yuqalu al-lisan bal la bud an yakun qawlan wa ma'ahu 'amal li'an la ilaha illallah kalimatun 'azimah laha ma'na wa laha muqtada. Anna cette kalima a un ma'na, elle a un sens. Fa tu dis cette kalima, tu dois connaître le sens. Li hada kuffar quraish mushriku al-arab, ils n'ont pas pu la dire. Les Anna, ils ont compris le sens. Qul la ilaha illallah tuflihu. Ya'am, qul la ilaha illallah. Il ne l'a pas dit. Il sait que s'il dit la ilaha illallah, ça va impliquer des grandes choses. Il doit kfar bit tagut. Il doit dire que son peuple est à la batil. Ça implique beaucoup de choses. Ils n'ont pas pu la dire. Ben, ils ont préféré combattre. Amma, sabab al jahl al-an, ba'd al-nas, la ilaha illallah, il l'a dit facilement. Tumma, il l'a contredit facilement. La ilaha illallah, il l'a dans une tombe. La ilaha illallah, il dit, les Yahoud, ils sont à la haq. Les Nasara, ils sont à la haq. Les Muslimoun, on est à la haq. Il dit la ilaha illallah. Il n'a pas compris son dîn. Fa'labud, awalan, on comprend al-ma'na. Et le sens kadhalik, il va impliquer une chose qu'on appelle al-muqtada. Qal wa muqtadaha, an yukhlas al-mar'u al-ibada lillah azza wa jal. Si tu as compris le sens, Anna, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Azza wa Jal, ça va impliquer que tu adores Allah seul. Al-An, tu as compris pourquoi? Que pour appliquer. Amma anta tasawwar law wahid nous dit je dis la ilaha illallah. Tayyib. On lui dit matalan, tu connais l'expression? On lui dit l'âme. Explication, je dois adorer Allah seul. Tayyib. Thumma, il nous dit lakin, j'adore, moi je sais ça, lakin, j'adore pas Allah seul. C'est un kafir. Un kafir, il sait une chose et il ne l'applique pas. C'est un mushrik, s'il adore autre qu'Allah. Enfin, le musulman, il doit connaître et appliquer. Il adore Allah seul. Il s'écarte du shirk. Qala Cheikh Al-Fawzan, qala wa an yatruk ibadat ghayrillah. Deux choses. T'adores Allah seul et tu délaisses l'adoration des idoles. Adorer autre qu'Allah, t'as pas le droit. Deux choses. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaq illallah. Nafi wa itbat. Tanfi ibadat ghayrillah. Tu nies à une créature, elle mérite l'adoration, et t'attribues, t'affirmes l'adoration pour Allah seul. C'est ça, at-tawhid. Nafi wa itbat. Une négation, une affirmation. Amma mujarrad kalam. La ilaha illallah khalas. Il a dans une tombe. Il égorge pour les morts. Il va voir les sorciers. Il pense que Fulan, il connaît le ghaib. Il connaît l'invisible. Enfin, là, à bout de la personne, il connaît ces choses. Et nous, Allah alhamd, on les a détaillés beaucoup dans les durus. Qala. وأن يترك عبادة غير الله فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله كما يقولون وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص. هؤلاء الآن ils vont utiliser des arguments. حقيقة ils sont contre eux. Ils sont contre eux, لكن eux ils vont prendre des hadith متشابهة أو des آيات متشابهة. أي ils vont prendre ce qui les arrange. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وأنها تدخل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة. حديث بطاقة قال أخرجه الترمذي. Un homme, il va venir avec plein de péchés, là, qu'il y aura une hasana. Ça sera une carte, c'est écrit la ilaha illallah. Et cette carte, où c'est écrit la ilaha illallah, elle va peser plus que tous ses péchés. Et cette personne, il va rentrer fil jannah. Nous, on dit, non, cette personne, c'est un mouahid. Et nous, on sait, min aqidat ahl sunnah, anna les péchés, en dehors du shirk, ils annulent pas l'islam. Enfin, nous, on dit, si une personne, il dit la ilaha illallah, et il adore que Allah, il s'écarte du shirk. Comme cette personne qui est citée dans le hadith, il avait des péchés. Nous, on ne dit pas qu'il va faire une nar, on ne dit pas qu'il a annulé son islam. On dit son islam est da'if, et si Allah il veut, il lui pardonne, et si Allah il veut, il lui châtie. Et même s'il le châtie, il finira. Min ahli al-jannah, liannahu c'est un mouahid. Lakin, nous, on parle de celui qui annule son tawhid avec le shirk. C'est pas pareil. Il emmène ce hadith, il fait du shirk. Il attend autre qu'Allah. Et il cite ce hadith. Ce hadith, c'est pour le mouahidin. C'est pas pour le mushrikin. Amma le mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah il pardonne pas le shirk. Et le prophète sallam il dit man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Et le mushrik il a pas kafar bima yu'bad min dunillah. On dort بعض الناس comment ils jouent avec l'adilla. Et comment ils prennent ce qui est pour eux faqat. Lakin yawm qiyamah hadha la yanfa. قال هذا حديث عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده لسانس طريقة أهل العلم يدي أحاديث سو جنيرو يدي أحاديث سبيسيفي لحديث جنيرال يدي أحاديث سو منسوخ فهذا حديث ناسخ هذا إلى برشولة وهكذا أما هكذا جاهل يبخل حديث يبخل سولة يدلس سولة إلى آخر هذه من أسباب الضلال. Ça c'est une cause pour égarer la personne. قال هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يرد إلى الحديث الأخرى التي تقيده لا يؤخذ طرف ويترك طرف كما قال الله في أهل الزيغ. Celui qui prend ce qu'il veut, il délaisse ce qu'il veut, ça c'est طريقة أهل الزيغ كما قال شيخ الفوزان. Ça c'est le chemin والعياذ بالله, c'est les personnes qui ne veulent pas le haq. Et la preuve c'est قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى il explique le cas de deux genres de personnes, أهل الزيغ و أهل العلم. أهل الزيغ les gens de l'égarement, les égarés. أهل العلم les savants. أهل الزيغ tu trouveras دائما كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Il prend ce qu'il veut. Il trouve un hadith. Il pense que ça appuie sa position, il le prend. Les autres là, il ne veut même pas l'entendre parler. هذه c'est طريقة أهل الزيغ. أهل العلم قال عز وجل, il montre le cas des savants, قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أهل العلم يقول كل من عند ربنا. Donc le hadith est sahih, au sein du verset du Coran, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il croit à tout et il prend tout. Et l'alim il sait que le verset il ne peut pas contredire un hadith sahih. Et le hadith sahih il ne peut pas contredire un autre hadith sahih. Avec leur ilm, ils vont te rassembler avec les hadiths. Ce hadith tu ne peux pas contredire celui-là. Tant que c'est sahih, c'est impossible que ça se contredit. Et anna al-kul min indillah. C'est une révélation, elle vient d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il ne peut pas se contredire. C'est l'alim, c'est le khabir. Azza wa jal. Enfin maintenant, le cas qu'on a, avec vous salam, deux hadiths. Hadith al-bitaqa. Il avait des sayyat, il a dit la ilaha illallah, il va fil jannah. Et il a des autres hadiths, man qala la ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Et des autres versets, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Al-Zayr, ils ont pris le hadith qui les intéresse, et ils ont délaissé, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Et ils ont délaissé, qawla la bisa sallam, man qala la ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Tout ça, ils l'ont délaissé. Ahl al-Ilm, là, ils l'expliquent avec le verset, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih. Et celui qui dit la ilaha illallah, lakin il fait du shirk akbar, et il meurt, Allah, il lui pardonne pas. Walou si dit la ilaha illallah. هكذا العلم فهكذا نحن تتطرمبي أيها المسلم لكن إذا كنت مطلع الحق غبين. قال فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم. هذه مسألة تذكرون والله يكسبيكيون ديتاي في بداية كشف الشبهات. مسألة المحكم يرد أو المتشابه يرد إلى المحكم, واضح المحكم سدي فيرسي كلير. المتشابه سا فيرسي وحديث تبو الكمبخوند كم سا أو كم سا فأنت لابد hadith, aux versets clairs qui t'expliquent al-mutashabih. Une personne, il peut comprendre celui qui dit la ilaha illallah, il va fil jannah, même s'il a fait du shirk. Il peut comprendre hada. Léana, il va dire, sahih, il a fait du shirk, lakin il a dit la ilaha illallah. Lakin nahnu, on lui dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala qal, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Qal wal ahadith allati zahiruha an la ilaha illallah takfi man qalaha ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. حديث في مسلم. قال والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله أبدا بل إلى دور أخر كالله. Il égorge, il demande, il se prosterne, il fait tawaf. Tout ça c'est من الكفر ومن الشرك. فهذا يدل إلى الله لكن لا يكفر بما يعبد من دون الله. قال والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله حتى لو لم يذبح للقبور ولم ينذر لها. والذي يدعو سويكي انفوك نعم ولو سي يذبح باي فبند لفت كي انفوك انفوك سين عبادة. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وقال عز وجل قال ربكم ادعوني استجب لكم إياك نعبد إياك نستعين. فالدعاء سين عبادة. لا الدنيا أدخك الله سدو شرك. ولو سي سي يذبح باي الاخر لان بعض الناس يزون نيماج ان العباده سي كلا بروسترناسيون. لا عباده سامو كي انغلوب بوكو دو شوز اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فسلو كي دان اون عباده اترك الله الى ادوري اترك الله. فسلو كي ادور اترك الله سامو مشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال بل قال ان هذا ليس بالشرك هذا لا تنفعه لا اله الا الله. نعم ولو سيدي c'est pas du shirk. Ou بعض الناس يدي لا انا j'ai pas fait de shirk. Non, le masala c'est pas toi. Le masala c'est le Coran et la Sunna. Si le Coran et la Sunna ils nous prouvent que tu as fait du shirk, tu as fait du shirk. ولو si la personne dit j'ai pas fait. Vous rappelez la parole de l'imam Sunani ان الاسماء لا تغير الحقائق. C'est pas le nom il change pas la vérité de la chose. L'imam Sunani nous avait cité un exemple ان celui qui boit du khamr il a bu du khamr. ولو si dit que c'est de l'eau. واحد يبغى الكول مثلا on lui dit تق الله c'est حرام. Il dit لا ما فيتش هاد لو. هكذا الشرك. قال لانه صحح الشرك واقره. سيدي ليس بالشرك c'est grave. كانه يدفن الشرك. Tu lui dis مثلا égorger pour une tombe la yajouz. Il dit si c'est pas du shirk et il دافع. الان il est en train de دافع عن الشرك. الان il défend الشرك. Il veut pas que tu critiques الشرك. هذا il est على خطر. أنت أيها المسلم تكفر بالطاغوت تتست الشرك. فمن يكفر بالطاغوت المسلم يكفر بالطاغوت وفي الحديث وكفر بما يعبد من دون الله. فالمسلم يدت الشرك يدت المشركين. المشرك ستبريدي تلف الدعوة تلموت خيلي على خطر. أما تلدفو فتتقار لوي تلقار encore plus تتقار توي لوي والعياذ بالله. قال فهذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. celui qui pense que ceux qui adorent les morts ou les tombes, il a akhiré, ça reste un musulman, ou c'est un musulman, هذا il n'a pas compris معنى la ilaha illallah. هذا il dit une kalima, ou il n'a pas compris معناها. وهذه c'est une musibah. قال ولهذا يقول الشياطين المسمون بالعلماء الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به يقولون من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل من الشرك هو من أهل الجنة. نعم. هؤلاء أمم يفعلون الشرك. فلهذا il dit aux gens لا. Tant que tu dis la ilaha illallah, t'es min ahlil jannah. Celui qui fait rentrer fil jannah, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui va te préserver min al-nar, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa obéis Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux rentrer fil jannah et t'écarter min al-nar. Amma ce que tu penses toi ou t'espères toi, la yanfa'uka indallah. Qala azza wa jal, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Qalb salim. Un cœur pur. Il n'est pas sali bi shirk. Il n'est pas salivé du'a ghayrillah. Il n'est pas salivé à dabh li sidi fulan. Ama le cœur qui adore autre qu'Allah, c'est un cœur sale. Wa hada yawm al-qiyamah la yanfa'uhu shay. La mal, wa la banoun, wa la sa tribu, son pays fulan, abadan. Il sera jugé tout seul. Et si c'est un mushrik, il est fin nar. Qala wa man qala la ilaha illallah wa law fa'ala ma fa'ala min ash-shirk huwa min ahli al-jannah. Wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ويقول فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الآخر خالصا من قلبه. Tout ça ces hadiths, ils expliquent les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui dit la ilaha illallah, il est fil jannah. Tous ces hadiths, ils expliquent. Il faut, il y a des conditions. Al-kufru bi-tarut, la-boud. La-boud yakfur bima yu'abad min dounillah. Il sait que al-yahoudiya c'est batil. Il sait que al-nasraniya c'est batil. Il sait qu'adorer les statues c'est batil. Kadalik, il est arrivé dans les cas d'Allah. Il dit le kalima et il veut se rapprocher d'Allah. Amma al-munafiq, il a dit le kalima. Lakin, c'était pour protéger ses biens, son sang, il a akhira. Il l'a pas dit pour Allah. Elle lui sert à rien. As-sut, kadalik. Al-mahabba. Toutes les conditions qu'on a citées vie. في درس الواجبات قال ويقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة حديث عظيم لأن حديث تمتخبين على ديفرنس entre الكبائر المعاصي الشرك أما البشي qui sont en dessous du shirk فالله سبحانه وتعالى il peut les pardonner à la personne لأن في الحديث يقول قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أنت تصور لا تغطي البشي الله سبحانه وتعالى يبلي بعضني عن كونديسيون ثم لقيتني لا تشرك بشيء هذا الله يبلي بعضني كم لفقس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أكيد s'il veut, il le punit pour les péchés. Lakin, même s'il le punit, si c'est un mouhid, il finira fil jannah. Amma al-mushrik, c'est autre chose. Al-mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui pardonne pas. Il y en a la condition, c'est que le musulman, il rencontre Allah sans shirk. Amma celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec shirk l'akbar, Allah, il ne lui pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa man yushrik billah, faqad harram Allah alayhi al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset, wa man yushrik billah, celui qui associe Allah shirk l'akbar, قد حرم الله عليه الجنة الله لو أنت تقدر بقدي حرام عليه لكن بعض الناس يمنعون يدل ساحل واضحة يبخس كل عنج قال قيد ذلك بالسلامة من الشرك نعم أي النبي صلى الله عليه وسلم يلا بيا أو أن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يلا بيا مطخي أن البغضون صفا ذك لا بيرسون سبا مشرك هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به وضع الحديث لقيتني لا تشرك في شيء فالبغضون il va avec la personne avec le tawhid. Amma le mushrik, il ne peut pas avoir, il ne peut pas être pardonné au qiyama. Abadan. Qala wa hadhihi la hadith yuraddu ba'daha ila ba'd li'annaha kullaha kalam ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa turad ba'daha ila ba'd li'annaha kullaha kalam Allah wa ba'daha yufassir ba'dha wa yuqayyid ba'dha wa yuwaddih ba'dha wa yuwaddih ba'dhan. Na'am hadha. Hadha. Fa ça c'est une chose importante fi ad-din. Ayuha al-muslim, tu prends pas ce que tu veux. Abadan. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Il y a des choses en temps sahih, tu peux pas comprendre. Mathalan, une mas'ala, tu connais qu'un hadith. Tu sais pas peut-être qu'il y a un autre hadith qui l'explique. Peut-être que le hadith que tu connais, il est mansoukh, il est abrogé. Et dès que tu sais pas, tu demandes. Peut-être que l'alim, il va te citer un hadith que tu n'as jamais entendu. Il va dire le hadith, na'am, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kada, et tu vas voir que les deux hadiths, ils sont complémentaires. Il s'explique. Et tu vas avancer. قال أما أن نأخذ طرفا ونترك طرفا آخر فهذه طريقة أهل الزيغ وإن قال أنا أستدل بكلام الرسول نعم لا ينفعه ولو سيدي جاء حديث c'est طريقة أهل الزيغ يعني prend un hadith et délaisse le reste alors qu'il sait. قال فنقول له كذبت أنت لم تستدل بكلام الرسول أنت تستدل بالمتشابه منه ولم ترده إلى المحكم نعم الشيخ الفوزان il a dit كذبت جمو لأن تغي فولي طريقة الرسول تغي بخي طولي حديث دو الرسول أما si tu prends ce que tu veux il veut pas suivre الرسول il veut suivre sa hawa il se sert du حديث du prophète صلى الله عليه وسلم pour appuyer sa position فقط il prend le حديث du prophète صلى الله عليه وسلم pour dire j'ai raison فقط هذه c'est طريقة أهل الزيغ celui qui veut le حق المسلم qui veut le حق في الحقيقة regarde pas lui moi j'ai raison j'ai pas raison c'est pas ça le problème pour le مسلم celui qui veut le حق l'essentiel c'est qu'il suit le رسول ou alors c'est contre lui. Amma celui il veut toujours avoir raison. Même s'il s'est trompé, il veut un hadith pour défendre sa position. Hada, il faut qu'il revoie sa niya. قال واعظم من ذلك واكبر تصريحهم بان البوادي ليس معهم من الاسلام شعره ولكن يقولون لا اله الا الله وهم بهذا اللفظ بهذه اللفظه اهل الاسلام. Ils disent que اصحاب البوادي ceux qui vivent dans les campagnes ils ont rien d'islam, ils connaissent rien. Pardon, mais ils ne font pas salat. Pardon, mais il est ba'id. Il dit la ilaha illallah, faqat. Saint musulman. Il dit akada, Saint musulman. Il prend l'égarement de certaines personnes, alaykoum salam, il prend l'égarement de certaines personnes pour montrer ses haqq. Ça, on le voit ahyanan. On le voit hatta aujourd'hui. Il y a certains gens qui disent taqillah, il dit non, mais fulan il fait. Ha'oula, les ulama, ils montrent du shirk, ils disent la, lakin ahl al-badiya, c'est des musulmans et ils connaissent rien l'islam. Ils disent la ilaha illallah faqat, c'est des musulmans. C'est pas un délire, hada. قال الشيخ فوزان إذا دتاي هذا قال البوادي فهم جمع بادية وهم الأعراب قال يقول هؤلاء الضلال البوادي ما معهم من الإسلام شعرة لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام لكن ما داموا يقولون لا إله إلا الله فهذا يكفيهم وهذا سدو كذب même si via la campagne il doit apprendre le minimum qu'il peut pour adorer Allah il doit apprendre la ilaha illallah. Il doit apprendre c'est quoi le shirk sans l'écarter. Il doit faire salat. Il doit apprendre à faire l'odo. Il doit apprendre à faire al-rosl. Il doit apprendre à faire le hajj si dans les moyens. Ouakada. On ne dit pas nous, al-badiya, il faut que ce soit tous des ulama. Abadan. Lakin, adorer Allah, il est obligé d'adorer ala ilm. Qala ash-shaykh al-islam. وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام قال شيخ فوزان فالضلال يقولون يكفي أنهم يقولون لا إله إلا الله فمجرد قولهم يدخلهم في الإسلام قال يقولون هذا وهم معترفون أنهم ما معوا من الإسلام شعرة لا يصلون ولا يصومون ولا يعملون شيئا من الأعمال الصالحة فقط هم يقولون لا إله إلا الله يا سبحان الله لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة كيف لا personne ne fait rien il dit une chose فقط لا إله إلا الله ni connaît sa aqida, ni connaît tawhid, ni fait salat, ni il fait rien du tout. Bal rubbama il la contredit. La kalima la ilaha illallah, hada, elle ne va pas le sauver, abadan. Li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, on répète, man qala la ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Hada, il doit dire, la comprendre, l'appliquer, et s'écarter de ce qu'il annule. Qala ya subhanallah, la ilaha illallah, laysat mujarrad kalima. Law kana hada huwa l'islam, sara kullu nas muslimin. Naam. منافقون تسخطوز دي مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية لكنهم كيف كيزون فيه قالوا خذ وأبيك ألف كلمة ما هي يزون دي الرسول صلى الله عليه وسلم أنتدي ميل كلمة سكوا كيف فيكم ديز قال قولوا لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم الآن لو غادي سكوا الكلمة ديت لا إله إلا الله Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qalu, aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Ils n'ont pas pu la dire. Les annahum, ils ont compris le kalima. Ils ont compris que ce kalima, la ilaha illallah, ils doivent délaisser toutes leurs idoles. Qala Cheikh Fawzan, arafu annahum law qalu la ilaha illallah, taraku ibadat al-asnam. Ils ont su que la ilaha, si tu dis la ilaha, ça veut dire que tu délaisses ce que tu adores. Illallah, sauf Allah. Ça veut dire que tu adores Allah seul et tu délaisses tout le reste. Ça implique quoi, hada? Ça implique une chose azima pour Kuffar Quraysh. Ça implique que des générations, leurs pères, leurs grands-pères, leurs tribus, ils étaient tous à la dhalal. C'est ça que ça implique. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit, aja'ala al-alihata ilahan wahida. Et ils ont compris, la ilaha illallah, il faut adorer qu'un Allah. Inna hada la shay'un ujab. Ils ont dit, hada, c'est quelque chose d'ajib. Quelque chose d'étonnant. Qu'il faudra tout délaisser. Son oncle Kadhalik, on avait vu dans le quatrième point, Ya'am qul la ilaha illallah, il n'a pas pu. Ça te montre un nas, c'est pas qu'une parole. Ça serait qu'une parole, Kuffar Quraysh il aurait dit. Comme ils lui ont dit, elf kalima, on dit mille fois, c'est quoi? Mais la ilaha illallah, ils ont compris que c'était pas pareil. Fa al muslim min bab awla. Ya akhi, cette kalima, elle te fait rentrer dans l'islam. Elle te fait sortir du kufr. Cette kalima, elle protège tes biens, ton sang. Cette kalima, elle te rend frère avec tous ceux qui la disent. Cette kalima, الكفار يدتز بسببها فتو دو با لا ديغ هكذا قال شيخ فوزان عرفوا انهم لو قالوا لا اله الا الله تركوا عباده الاصنام وهم لا يريدون ذلك عصبيه تقليد والعياذ بالله قال هم يحسبونها كلمه هم يحسبونها كلمه فقط اي كلمه قال فلما قال لهم قولوا لا اله الا الله وهم عرب فصحاء يعرفون معنى هذه الكلمه سيسا اوسي دي ديفيرونس ان هؤلاء استدي عرب فصحاء فلا إله إلا الله ils l'ont très bien compris. مشكلة نحن بعض الناس الآن لا comprend pas. لا إله إلا الله il a dit il sait même pas ce qu'il a dit أصلا. بعض الناس comme on a expliqué ils croient لا إله إلا الله c'est que tu crois qu'il y a que الرب c'est Allah ils croient que c'est ça c'est tout. يا أخي c'est pas ça معنى الكلمة. On sait que الرب c'est Allah لكن c'est pas ça. Ça serait ça الكفار ça serait des مسلمين. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Ça suffit pas. Iblis il dit خلقتني من النار. Ça suffit pas, c'est pas ça le problème. Le problème c'est anna haula kuffar quraish, ils ont compris anna la ilaha illallah, tu dois unifier Allah seul dans l'adoration. Ayyuhal muslim, tu dois comprendre hakada anta, lana cette kalima elle veut dire ça, la ilaha, al ilah c'est al ma'bud. Et tout ça on l'a expliqué, nahnu on répète lakin haqiqa on l'a expliqué kathiran hada. Qala wa hum arab fusaha يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. أنت أيها المسلم si tu dis la ilaha illallah, tu dois comprendre أن celui que t'adore il est unique, t'as pas droit d'adorer autre, et tu dois savoir que celui qui adore autre qu'Allah c'est un égaré. قال, et il a cité un deuxième verset, قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Dès qu'ils entendaient le prophète sallam leur dire قولوا لا إله إلا الله يستكبرون, l'orgueil, ils peuvent pas accepter. Pourquoi? ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Ils ont compris que لا إله إلا الله, tu dois délaisser les divinités que t'adores. Ayyuha al-Muslim, si tu dis la ilaha illallah, tu ne dois pas adorer ces difoulades. Tu ne dois pas te prosterner pour une tombe. Tu ne dois pas aller voir sorcier si tu crois qu'il connaît le ghaib. Tout ça, c'est min al-kufr ou min al-shirk. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, wa harrama al-Islam malahum wa damahum ma'a iqrarihim bi annahum taraku al-Islam kulleh ou kulleh. Qala yaqul ulama al-dhalal, harrama al-Islam دمهم ومالهم يعنون البوادي التي ليس عندها من الإسلام شعرة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وسيأتي أن في لفظ إلا بحقها مر معنا في التطهير كلام الإمام الصنعاني رحمه الله في هذه المسألة. قال الشيخ فوزان لكنهم لا يجيئون بآخر الحديث إلا بحقها. هذا تعلمون من معاملة أهل الضلال بالأدلة أنهم يبخنش كبل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إصاغتي هنا هم, أو فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إصاغتي هنا, أي سبك لا إله إلا الله ses biens, son honneur, son sang et son sacré. Et c'est un musulman. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها. فهذه الكلمة لها حق. ومن أعظم حقوق لا إله إلا الله كما تقدم معنا كثيرا أن الإنسان لا يشرك بالله. لا يشرك بالله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه حق لا إله إلا هذا حق لا إله إلا الله. أن la personne il comprend le kalima et il la contredit pas. في هذا الحال تنفعه. أما عباد القبور, ils adorent les tombes, ils adorent les morts, ils adorent Sidi Fulan, ثم يستدلون بهذا, فهذا كما تعلمون سمن طريقة أهل الزيغ أي يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. قال إلا بحقها أي لابد من العمل, لأن حقها العمل. هذا والمقصود هنا العمل بها عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له, وحده لا شريك له. أما celui qui fait du shirk, ça lui annule sa amal, ses œuvres. Ça c'est un كلام مهم. قال شيخ الإسلام ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به. قال شيخ الفوزان ويقولون إذا قال لا إله إلا الله وهو ينكر البعث يصير مسلما وندر الضلال, لأن عندهم c'est devenu une parole avec la langue فقط. Celui qui dit la ilaha illallah quoi qu'il fasse c'est un muslim عندهم ولو سنكر البعث. تصور أنت ولو سنكر البعث, il dit là ça n'existe pas, on ne va pas être ressuscité le jour du jugement, ça n'existe pas il a akhir, لكن il dit la ilaha illallah c'est devenu une coutume, une habitude عنده فقط. هذا c'est pas muslim. Celui qui ne croit pas au jour du jugement, à la résurrection et l'akhir, c'est pas un musulman. Abadan. Lianna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-iman an tu'mina billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir. Fala bud, la personne y croit au yawm al-akhir, c'est min arkan al-iman. Qal ma hadha at-tanaqud wal 'iyad billah wal ladhi yaqul hadha laysa min al-awam. إنهم علماء هذه المشكلة أن الكلام هذا من كلام علمائهم علماء الضلال علماء الصوفية. قال والذي يقول هذا ليس من العوام إنهم علماء علماء في الفقه والنحو والصرف سد علماء dans certaines choses. أما في التوحيد tu le trouves صفر والعياذ بالله. Tu vas trouver un عالم في الفقه في النحو في الصرف عالم في المصطلح. Tu vas trouver un عالم في الأصول. Tu parles, il te corrige. Là, c'est majrour. Là, c'est pas marfou. Tu le trouves quelques minutes après, là, dans une tombe. Allez, où est-ce que c'est النحو? Aucune faïda. قال الشيخ الفوزان لكن في العقيدة ما عندهم ولا حبة خردل من العلم الصحيح أن تلتخو في العقيدة في التوحيد كما قال الشيخ الفوزان ولا حبة خردل إن تبت تشوز ولا تغتر par sa lecture أو إلى دعين في كذا والله سالي سغى rien du tout لكن la langue arabe النحو الصرف tout ça c'est des outils. La personne, c'est un mouchrik et il arrive au moment de la c'est un imam, un alim. Lakin, c'est un mouchrik. Ça lui sert à rien. Rien, عند Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tu trouves un musulman, au moment de la c'est un mouhid. C'est un mouhid, il meurt à la tawhid. Il fait pas de shirk. Il ne parle pas une lettre d'arabe. Il ne connaît pas le sarf, il ne connaît pas toutes ces choses. Il est fil djanna. Il est fil djanna. Enfin, l'importance, c'est tahqiq et tawhid. Et nous, on ne dit pas ça pour ne pas donner de l'importance à l'arabiya et l'akhiriya. Abadan. Mais l'outil, ça reste un outil. À l'arabiya, on l'apprend et l'akhiriya pour qu'on comprenne le Coran. On comprenne le tawhid et on l'applique. À l'arabiya, elle nous aide à comprendre. Qawlullah Azza wa Jal, wa'abudullah. Wa la tushriku bihi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit shay'. La langue arabe, tu comprends que shay'an, c'est rien du tout, tu n'as pas le droit d'adorer. Que Allah. Wa'abudullah, wa la tushriku bihi shay'a. Tu le trouves, c'est un alim fi nahu, fi sarf, fi kada, fi kada. Et tu le trouves, il a dans autre qu'Allah. Aina qawlullah, wa'abudullah, wa la tushriku bihi shay'a. Tu es un arabophone, tu comprends, limada tu l'as contredit. قال لكن في العقيدة ما عندهم ولا حبة خردل من العلم الصحيح عقيدتهم عقيدة المتكلمين ولا يدرسون التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والعياذ بالله tu le trouves il est حافظ peut-être le Coran tu le trouves il a la langue arabe il essaie pas de comprendre لأن في هذا القرآن وفي هذه السنة التوحيد il explique clairement. Et à l'ajab, c'est que tu les trouves, ils se concentrent et ils prennent du temps à étudier Kutub al-Mutakallimin. Ou al-Falasifa al-Dhullal. Limada tu délaisses le Coran et le Sunnah. Limada tu délaisses Kutub al-Salaf qui t'explique l'aqida. Li'anna il sait très bien, Houa. La Kutub al-Salaf, c'est un rab contre lui. Il sait très bien. Vu qu'il n'est pas d'accord, Houa, il lit ce qui appuie sa position. Ou son madhab. Fa Kutub al-Mutakallimin, abadan. Ils vont mettre en garde contre le shirk. Abadan. Tu trouves un kutub al-mutakallimin haoula al-falasifa. Tu trouves un mujallad, c'est que sur tawhid al-rububiyya. Hada al-mushrik al-sufi al-qubur al-dhal. Il est d'accord, huwa. Fa ça ne le dérange pas. Amma kutub al-sunnah, là. Là. Walaw si lui parle d'al-rububiyya, c'est pour lui parler d'al-uluhiyya. Faut que tu adores Allah seul. Wa hada kama ta'alamun, ça les dérange. Qala wa innama yadrusun qa'id al-mantiq. Wa ilm al-kalam. Tout ça, c'est de la philosophie, wal-ayyadu billah. Tout ça, c'est une perte de temps. الإمام الرازي رحمه الله من أئمة المتكلمين إلى في التوبة avant de mourir إلى passé des années حتى c'est un imam من أئمة هؤلاء الله سبحانه وتعالى lui a donné une intelligence عجيبة فدز années في هذا à la fin de sa vie il a fait التوبة ندم il a regretté. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie قال il a montré أن 60 ans في هذا العلم et ils n'arrivent pas à avoir عقيدة عجائز نيسابور. 60 ans de ilm et il ne comprend pas ce qu'une vieille muslima, meskina, elle ne sait pas lire, pas écrire, mais elle est à la fitra. Il faut adorer Allah seul, il est à akhri. Ça vous montre, ya jama'a, anna talab al-ilm, c'est pas hakada. Tu apprends ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Là, il y en a, si tu ne prends pas la bonne route, tu peux passer des années et ça ne te sert pas à grand chose. Belle, ça peut servir à rien du tout. Belle, ça peut être contre toi. On doit haoula. Tu crois que haoula, il ne t'aurait pas l'ilm ? Là, qu'il soit ilm al-kalam. أما السني يبقى صوت على العلم شغل القرآن والسنة قال الله قال الرسول tout ce qu'il y a dans le Coran ou le Sunna, il le comprend et il avance petit à petit et il applique. L'importance de tlab al-ilm avec la bonne méthode. Tu peux te motiver, faire des efforts et t'avances pas. il y en a la méthode. On t'lobe l'ilm comme il t'lobe le salaf. On commence par l'aqida et le tawhid. Et on sait pour comprendre l'aqida et le tawhid, il nous faut des outils. Il nous faut la langue arabe, il nous faut shay min al-usul, il nous faut shay min al-hadith. Et on avance hakada. Et le but, c'est le tawhid, l'aqida. Kadhalik al-fiqh, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a des outils, hakada. Amma, tu délaisses l'essentiel. Mit la haoula. Il délaisse l'aqida. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala yakoul wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun. T'as été créé que pour ça. Et il passe 30 ans fin nahou. À la fin, tu le trouves, il tourne autour d'une tombe. C'est pas du ilm, hada. Hada, c'est le shaytan, il l'a garé. Amma talib ilm, s'il veut apprendre nahou, il apprend ce qu'il a besoin. Amma, si tu veux lire, tu veux faire tous les kutub nahou, tu vas plus t'en sortir. Talib ilm, il prend l'essentiel, l'adromiyya, al-mutammima, il prend l'alfiyya. S'il a compris hada al-kutub, ça lui suffit. Et là, bah, une personne après, une fois qu'il a bien compris l'aqida, le tawhid, il traite plus de sujets dans le nahou. Il élargit ses connaissances. Là, bah, c'est un talib ilm. Amma il dérisse l'aqida et toute sa vie dans le nahou. Abadan salafiste hakada, abadan. Qala, wa aqaida al-mutakallimina alladhina yakouloun yakfi annaka taqra, yakfi annaka tuqir, bi anna Allah huwa al-khaliq al-raziq al-muhyi al-mumid faqat. Hada huwa al-tawhid indahum. Tawhid al-rububiyya. Naam, kutub al-mutakallimin. Il traite un sujet pendant des heures. Donc le livre, il est en un volume, deux volumes, trois volumes. À la fin, il conclut, si tu reconnais qu'Allah c'est le créateur, t'es un musulman. Aïna qawl le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qal la ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Hakada, celui qui s'éloigne de al-kitab au sunnah, il se fait du mal. Il se fait du mal et il perd du temps. Et il se contredit. Qala, shaykhul islam, rahimahullah, wa istihza'ihim. On répète la phrase d'avant, il y en a un rapport. قال ومع علمهم بإنكارهم بالبعث واستهزائهم بمن أقر به واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله استهزاء بعضهم السمك. Pardon, ils adorent les tombes. Tu trouves واحد, il dit là, c'est un musulman, il dit la ilaha illallah. قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها. اليهود, à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, ils disaient la ilaha illallah. لكن اليهود, ils attendaient un prophète منهم. Dès qu'ils ont su que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté de dire Mohammed Rasulullah. Ça leur a annulé la ilaha illallah. Kadhalik, ils n'ont pas cru au Coran et à l'akhiré. Enfin, ça te montre que celui qui dit la ilaha illallah et il l'annule, la takfir. Qala, Cheikh al-Fawzan, al-Yahoud, yaqulun la ilaha illallah. Lakin, lama lam ya'malu biha, saru aghlad al-umama kufran, aghlad al-umami kufran, wal-iyadu billah. ومثلهم من اعتقد هذه العقيدة نعم يجيز لا إله إلا الله ثم يقتلون الأنبياء يحاربون دين الإسلام فصرف صغير هؤلاء قال رحمه الله وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. الآن on va rentrer dans le sixième point. Il va expliquer, il va comparer ce qui s'est passé après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم avec ce que certaines personnes y font un. قال الشيخ الفوزان المرتدون لا شك في كفرهم ولم يحصل عند الصحابة خلاف في كفرهم وهم صنفان. Après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, ceux qui ont ils ont apostasié, ils ont délaissé l'islam, il y avait deux catégories. قال الصنف الأول الذين يقولون لو كان نبيا ما مات وكونه مات هذا دليل على أنه غير نبي. هذا c'est du كفر الآن. Ils pensent que le prophète صلى الله عليه وسلم en fait c'était pas un nabi. قال فرتدوا عن الإسلام. Malgré que c'était des musulmans, cette aqida les a fait sortir de l'islam. Al-An, Cheikh Fawzan, Cheikh Fawzan, Naam, ou Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, ils veulent te montrer que celui qui dit la ilaha illallah et il l'annule, c'est plus un musulman. قال لأنهم كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هذا واضح. Premier صنف, ils sont sortis من الإسلام. La première catégorie, لأنهم, ils ont cru que le prophète Mohamed c'était plus un prophète. والعياذ بالله. On revient au matin. قال شيخ الإسلام ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة. Ils disent لا إله إلا الله. Ils disent et ils croient que Mohamed est le prophète عليه الصلاة والسلام. لكن ils ont pensé que le prophète Mohammed sallam, il avait donné l'héritage de la prophétie à Musaylama. Et la prophétie, elle s'est arrêtée avec notre prophète Mohammed sallam. Qala sallam, la nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallam. Eux, ils ont cru que Musaylama c'est un prophète, ils sont sortis de l'islam. Malgré qu'ils disent shahadati. Amma haoula, ils ont élevé un être humain au niveau de Nabi, un autre être humain. C'est du kufr. Il y en a, ils n'ont pas le droit. Il y en a, al-Nubuwa, elle est finie avec le prophète. Ma balouk, celui qui élève un mort au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît le ghaib, il connaît. قال الصنف الثاني قال شيخ الفوزان من اقر بالشهادتين وان محمد رسول الله لكن اقر بنبوة مسيلمة قال ان مسيلمة نبي فهؤلاء لا تنفعهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اذا اقر بنبوة مسيلمة الكذاب فليس مسلمين. قال وهذا بالاجماع. Celui qui annule la shahada, c'est plus un musulman, بالاجماع. Dans l'aqid l'islam qu'on avait étudié, la risala de l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ta'alamouna anna les annulations qu'il a citées, mujma alayha. Unanimité des savants à la hada. Qal, li annahum jahadu khatam al-nubuwa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, haythu yaqul jalla wa ala, walakin rasoul Allah wa khatam al-nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, walakin rasoul Allah wa khatam al-nabiyyin, eux disent la. Musaylama, c'est un nabi. Al-An, ils ont démenti qawl Allah wa khatam al-nabi. L'autre simf, la première catégorie, ils disent c'est plus un nabi. Alors qu'Allah yaqul, walakin rasoul Allah wa khatam al-nabi. Les deux catégories sont kfar avec un dalil min al-Qur'an wa min al-Sunnah. Fa si un dalil min al-Qur'an wa min al-Sunnah anna ce fi'l c'est du kufr, on n'a pas le droit de dire que c'est pas du kufr. Qala Isa al-Salam, la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah. On n'a pas le droit de dire la yajouz dégorger pour Sidi Fulan. On n'a pas le droit. Qala Cheikh al-Fawzan wa sadaqu al-muntabi al-kadhib. Kadabu al-Qur'an. Et ils ont sadaq celui qui a prétendu être prophète. Musaylama al-kadhab. Undra ahl al-dhalal. Il délaisse le Qur'an, il délaisse kalam Allah. Et tu le trouves, il prend kalam Musaylama al-kadhab. قال شيخ الإسلام ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة. انظر. Ça n'aura pas suffi cette excuse. Si on te montre le haq, ton ظن, ta pensée, si elle est fausse, tu l'enlèves. Amma haoula, ils ont pensé que un Nabi صلى الله عليه وسلم, il a autorisé à Musaylama d'être prophète après lui. Ça, c'est pas un dalil, ça. Et là, c'est pas vrai. قال شيخ الفوزان لأن مسيلمة الكذاب يقول إن الرسول أشركني في النبوة وصدقوه في هذه الكلمة فانتبه أيها المسلم de pas croire tout ce qu'on dit. On dira ou là le mal que ça leur a fait. Ils ont cru مسيلمة الكذاب. La personne il est معروف بالكذب, il n'est pas معروف بالاستقامة, il n'est pas معروف بالصلاح. Crois pas tout ce qu'il dit. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا فاسق طمن الخبر تبين. Crois pas tout ce qu'ils disent les gens, خاصة في هذا الزمن. Tu trouves واحد, il vient pas à la mosquée ou il fait pas الصلاة, c'est un كذاب. Il vient un خبر, tu crois tout ce qu'il dit. خاصة dès que c'est un خبر غريب. انظر مسيلمة الآن. Un خبر il est غريب جدا. Le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a donné يعني النبوة. C'est غريب هذا. الرجل c'est un كذاب, il est معروف. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les grands sahaba, ils ont jamais entendu هذا الكلام. Le Coran, ça contredit le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وخاتم النبيين. Le prophète sallam يقول لا نبي بعدي. Musaylama il vient, il dit الرسول il m'a dit ça. Ça pense que c'est un كذاب. فأيها المسلم انتبه. انتبه للخبر. ومن العجب أن بعض المسلمين الآن ils croient tout ce qu'il dit al-kuffar. C'est même pas le musulman al-fasiq, un kafir. A'adam min, c'est ba'd al-kuffar, ils combattent l'islam, ils mentent sur l'islam. Tu trouves ba'd al-muslimin al-juhal, ils les écoutent. Hada, c'est une cause d'égarement. Comme ça, égaré, haoula, qu'ils ont suivi Moussaïlama, ça peut être une cause d'égarement pour toi, Yuhal Muslim. Fantabé. Dès que quelqu'un t'emmène un khabar, mat dalil. C'est quoi ton dalil? Khasatan, si c'est une chose bizarre. Khasatan, si c'est une chose, c'est pas clair. قال شيخ الإسلام لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك. انظر الكذاب. Il a emmené des faux témoins. Et ils ont dit نعم نعم. On a entendu, il lui a dit ça. Ça te montre Hada que celui qui t'emmène là une rumeur, qu'il soit tout seul ou qu'ils sont plusieurs, si c'est des menteurs, tu les crois pas. قال شيخ الفوزان وشهد له بعض الشهود أن الرسول أشركه في الأمر. شهادة زور والعياذ بالله وكذبوا صريح القرآن بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث في مسلم حديث ثوبان فهذا واضح قال شيخ الإسلام فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك لأن الناس إن شوز واضحة في إن شوز كلير فالعلماء أجمعوا أنهم يسنسرت الإسلام unanimité des savants. قال شيخ الفوزان الذي يقول إنه يبعث بعد الرسول نبي يكون كافرا بالإجماع نعم بالإجماع قال شيخ الإسلام ومن شك في ردتهم فهو كافر et ça on l'a vu dans la loi de l'islam أن celui qui a un doute sur la mécréance d'un كافر واضح lui-même ça devient un كافر قال شيخ الفوزان أنه لم يكفر المشركين وقال يمكن أن يكونوا صادقين وما جزم أنهم على الباطل بل قال أنا لا أدري أنا لا أكفر الناس أنت تدوى كفر سلوك الله سبحانه وتعالى الرسول يزغل كافر لأن الله سبحانه وتعالى إلى كفر اليهود إلى كفر النصارى إلى كفر عباد الأوثان فالسلوك أحسن يقول لا أنا أجل كفر با هذا الآن شكون تخذ القرآن Et tu contredis sunna. قال نقول لا لا بد أن تعرف الحق من الباطل ولا بد أن تعرف الكفر من الإيمان وتميز المسلم من الكافر لا بد من هذا وإلا ما معنى الإسلام صحيح شيخ فوزان يدي تي obligé de différencier فلان سان مسلم فلان سان كافر si on dit مثلا لا je peux pas dire que les juifs les chrétiens et l'akhir c'est des kuffar شيخ فوزان حفظه الله يدي فالآن c'est quoi معنى الإسلام Si lui c'est un musulman et lui aussi c'est un musulman, c'est quoi l'islam là? Lui il adore Allah seul, lui il adore Isa. Tu dis c'est pareil. C'est quoi l'islam? Explique-nous ton islam. Un, toi t'as un islam, c'est pas notre islam. Amma un kafir où il y a un doute, l'ulama akhtalafu, c'est pas clair, hada la, chez akhar. Amma al-kuffar al-wadihin, mitl al-yahoud wal-nasara wa ubbad al-awthan il-akhir, haoula la personne n'a pas le droit d'hésiter. لا pas qu'on avoir de doute abadan c'est des kuffar c'est des kuffar ولا تغتر بقول من يقول لا تكفرون الناس نحن نكفر الناس وكفر سك الله سبحانه وتعالى الى كفر اما كفر الناس هكذا سموتيف ça c'est طريقه التكفيريين الخوارج اما نحن سك الله سبحانه وتعالى لا كفر et nos ulama ils nous montrent qu'on est un kafir on dit c'est un kafir اما بعض الناس يقول qu'on est tous des musulmans et tu te abadan avec cette parole l'islam n'a plus de معنى لأن الناس اسمعونش يهودي نصراني إسلام سباقي قال شيخ الإسلام فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم شتموا أي إذا با غكوني كسا رسول أو إصابت ثم إذا دمانتي قال هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله أن celui qui annule son islam مثل هؤلاء ils l'ont annulé en croyant que Moussaïlama c'est un nabi ou ils l'ont annulé en croyant que le prophète c'est plus un nabi هذا c'est plus un musulman ou là aussi il applique tout l'islam sauf le point هذا مثلا il fait salat il fait le hajj il fait ramadan il ment pas il respecte ses parents il a akhri lakin il adore une tombe c'est un kafir malgré tout l'islam qu'il applique parce qu'il a annulé son islam avec un point Ça vous montre l'importance d'étudier la waqid de l'islam. Ça vous montre l'importance. Il y en a pas de nains qui pensent que le kufr, il faut qu'il délaisse tout l'islam. Ça, c'est pas sahih. Les nahaoulal, un, ils ont pas tout délaissé. Là, ils ont eu un problème fin nubuwa. Les compagnons les ont combattus. Fama baluk, celui qui a un problème fin arrobobiyya, fin uluhiyya. Qala shir al-fawzan, أي من لم يكفر المشركين فهو مثل من يقر بنبوة مسيلمة الكذاب ولو كان يؤدي الإسلام كله أو كله. كذلك الشيخ فوزان يقول لك أن celui qui dit الكفار c'est pas des كفار, ceux qui adorent les tombes c'est pas des كفار, c'est comme celui qui a reconnu مسيلمة الكذاب نبي, لأن il approuve le كفر. Ceux qui ont reconnu مسيلمة الكذاب نبي, ils ont approuvé le كفر. Ils sont sortis de l'islam. Enfin, celui qui ne rend pas le kuffar, kuffar, al-Yahoud ou al-Nasara, il approuve leur kuffar. Amma, s'ils détesteraient leur kuffar, ils diraient que c'est des kuffar. Et ils les détestent. Amma, ils les aiment. Ils disent c'est mes frères. Ils disent ils ont un dîner aussi. Je les respecte. Hada, il est d'accord avec leur kuffar. Et Anna, celui qui est d'accord avec le kuffar, il annule la ilaha illallah. La ilaha illallah, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Tu témoignes. Enfin, il est d'accord avec le kufr. Il est où ton témoignage? قال ولو كان يؤدي الإسلام كله إذا قال إن مسيلمة صادق صار مرتدا عن دين الإسلام وهذا بالإجماع وهذا واضح. Ça c'est unanimité des savants à هذا. قال رحمه الله ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة. الآن يبغى نسيت des autres exemples. أن بعضهم يدز الشهادتين لكن ils ont cru que طليحة هذا c'est un نبي. C'est la même histoire que مسيلمة. C'est les noms ils changent. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم informé أن 30 من هذه الأمة سيدعون النبوة منهم طليحة الكذاب. قال الشيخ الفوزان طليحة ممن يدعى النبوة وصدقه قومه وقاتلوا الصحابة معه. انظر le peuple de Tolaïha, ils l'ont suivi et ils ont combattu les compagnons du prophète. Et les compagnons les ont combattus, les annahum, c'est des kuffar. ثم إن الله منا على طليحة وعاد إلى الإسلام وتاب إلى الله عز وجل وقتل في حروب الفرس مع المسلمين. لكن طليحة الله سبحانه وتعالى إلا رحمه في التوبة. ستموت هذا أن même celui qui sort de l'islam il peut revenir في الإسلام لكن التوبة. فسبب ça المسلم il doit pas désespérer. Maintenant il a fait une chose, ça l'a fait sortir de l'islam. Et akhi, fais le tawbah. Tant que tu es vivant, Allah subhanahu wa ta'ala il accepte même. Quand tu l'as dit. Al-Ibra, c'est bien Al-Khatima. Qala, Cheikh l'Islam, wa minhum man saddaqa al-Ansi, sahibu San'a. Al-Yamani, il était fait San'a. Qala, al-Aswad al-Ansi. Ou ba'dhum yaqul al-Anasi. Qala, fil Yaman. قتله عبد الله بن فيروز الديلمي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ستعلم بوك جب خفت عليه وسلم. قالوا أما مسيلمة فإنه قاتله الصحابة في حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد حتى قتلوه. Après la mort du prophète sallam. Khalid ibn al-Walid, ils ont fait une expédition avec certains compagnons, ils ont été à Al-Yamama, Musaylama il était là et ils l'ont tué. Qala Cheikh al-Islam, wa kullu ha'ula ajma' al-ulama annahum sawa. Wa minhum man kadhaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa raja'a ila ibadati al-awthan ala halin wahida wa minhum anwa'un ukhra. Cheikh al-Islam a cité cet exemple que pour te montrer que la personne peut dire shahada et il annule son islam. Faminhum, min ha'ula, après la mort du prophète sallam, ils sont revenus adorer les statues. قال الشيخ الفوزان فالمرتدون انواع ومن صدق احدا منهم فهو كافر وان كان يشهد لا اله الا الله فلا تنفعه لا اله الا الله بمجرد النطق واشد كفرا من هؤلاء من يقول لا اله الا الله ثم يعبد الاولياء والصالحين. فدو شوز الان دو انيلاسيون ديسلام celui qui صدق المرتد مثلا يبخطر النبوه مثلا يدي الكافر اليهودي النصراني يسوع على حق celui-là il perd son islam. Le deuxième cas, Cheikh Fawzan dit c'est pire, celui qui dit la ilaha illallah et il adore autre qu'Allah. Tu dois faire attention de ne pas contredire ta shahada. Cette shahada c'est une ni'ma min Allah. Fa hafiz alayha. C'est une ni'ma qu'Allah t'a donnée, fa tu dois la préserver. Et tu la préserves en apprenant sa ma'na. En connaissant ses annulations. En connaissant c'est quoi ses piliers. Il est akhiri. قال شيخ الإسلام رحمه الله آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر أي الصديق رضي الله عنه وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده أعطاه سلاحا ورواحل. هذا الرجل il est venu voir Abu Bakr al-Siddiq et il a prétendu qu'il voulait combattre al-Murtadun, les apostats. قال فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم. هذا il a combattu le jami, il a combattu dès qu'il a pris les armes et l'akhir, il a combattu le musulman et le kafir. Il voulait le dunya. قال فجهز أبو بكر جيشا لقتاله. Abu Bakr dès qu'il a pris la nouvelle, il a décidé de le combattre. قال فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره فلم أكفر. فقال إن كنت صادقا فألق السلاح. فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. هذه قصة تنظر تنظر إسكالي صحيحة أي il a dit à la fin أنه c'est pas un kafir et il a déposé l'arme et ils l'ont capturé, ils l'ont amené à Abu Bakr et Abu Bakr il l'a brûlé vivant. قال فإذا كان هذا حكم الصحابي في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى. على صحة القصة، القصة فيها نظر. قال ويقول هذا دين الحذر وديننا دين آبائنا. الحذر أي ساسانوف الدين أي لفت دكم بعد الشرك لفت دتتسر الكفار. بعض الناس يقول ساسانوف الدين أنت ton ignorance elle te pousse à dire هذا. لكن نحن on suit الرسول صلى الله عليه وسلم on suit السلف الصالح. Celui qui a reçu la révélation c'est le prophète, c'est pas nos parents. قال ويقولون هذا دين الحذر وديننا دين آبائنا ثم يفتون هؤلاء المرضى الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. قال شيخ الفوزان الذين يقولون إن الإسلام دين الحذر أما نحن فعلى دين آبائنا ما نحن على دين الحذر. ويقول علماء الضلال هؤلاء مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله وهم يتبرؤون من دين محمد ويقولون هذا دين الحذر. فالإسلام لا كونكلوزيون الإسلام سي با اون اتيكيت فقط. الإسلام سي ان مود دو في سي عقيدة سي شريعة. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار. أحد هؤلاء كي vivait dans les campagnes une fois il est venu et il a assisté à un درس de شيخ الإسلام et il a entendu c'est quoi l'islam الحق l'explication du tawhid la mise en garde contre le shirk. Dès qu'il a su le haq il a dit أشهد أننا كفار. Je témoigne qu'on est des kuffars. Léna, il a su que ce qu'il faisait, ça contredisait l'islam. قال يعني هو وجميع البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. قال شيخ فوزان هذا أعرابي جاء لدرس الشيخ ولما عرف الإسلام معرفة صحيحة شهد على نفسه قبل أن يعرف الإسلام وعلى جماعته أنهم كفار. فأيها المسلم أنت تدوى كمبرون سيكوا الإسلام. هذا الإسلام تدوى كمبرون كم تفو أو سان إسلام دو كتم أو سان إسلام il est adapté par rapport à ton époque, par rapport à là. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فأنت tu dois comprendre c'est quoi l'islam. أما t'essayes de t'inventer un islam à toi comme ils font بعض الناس الآن islam de France islam laïque islam tout ça c'est من الضلال. إسلام القرآن. قال ولما عرف الإسلام معرفة صحيحة شهد على نفسه قبل أن يعرف الإسلام وعلى جماعته أنهم كفار وشهد أن المطوع يعني العالم الذي يقول إنكم مسلمون أنه كافر. قال لأنه حكم لهؤلاء الكفار بالإسلام وما أكثر أشباهه. أي ceux علماء الضلال ils essayent de faire entrer في الإسلام des mouchriques. Si tu veux te préserver tout ça la sincérité t'es véridique avec toi-même et العلم si t'as ça بإذن الله t'as toutes les causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait dit. Amma l'entêtement, avec l'ignorance, avec la fierté, avec l'orgueil, wal'iyadu billah, toutes les causes pour l'écartement. Et sache que yawm al-qiyamah, ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, ni ta tribu, personne ne te sera utile, sauf si t'es mouahid. Qu'Allah azza wa jal, yawma la yanfa'u malun, wala banun, illa man atallah bi qalbin salim. Ni ton mal, ni tes enfants, ni ta famille, personne te sera d'aucune utilité. Wa qala Isa salam as'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Hada yawm al-qiyamah, cet ikhlas, ce tawhid, cette haine que t'as envers shirk, yawm al-qiyamah ça va t'aider, ça va te faire bi idnillah azza wa jalla. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا personne doit apprendre son tawhid, il doit s'écarter de shirk, ولا تقترب أعداء الإسلام. Jour après jour ils emmènent des choubas, jour après jour ils combattent l'islam plus. Apprends ton din et crois pas qu'un kafir, des ennemis de l'islam, ils te veulent du bien. Islam de France, islam laïque, si tu veux le khayr, suis le Coran et le Sunna, ولا تقترب الكفر. قال رحمه الله تم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفوزان غفر الله له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لقد بين ووضح رحمه الله. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. Vous avez vu cette petite رسالة, vous avez vu comment elle est importante في التوحيد في العقيدة. Cette رسالة elle est à part لأنه il t'explique التوحيد avec des points de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. فسي مهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخ الإسلام خير الجزاء, ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخ الفوزان خير الجزاء, ونسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ علماءنا وأن يحفظ المسلمين من كيد الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله après demain on commence تفسير سورة الفاتحة. Al-an, on a expliqué quelques points de tawhid avec la biographie du prophète A.S. Al-an, on va expliquer ce tawhid avec un exemple, une surah du Coran. Ah, c'est muhim, ya jama'a. Al-sabr, al-sabr, wa al-thabat, al-thabat. Et la régularité. Jour après jour, mais idnillah, c'est régulier. Ce que tu n'as pas compris dans ce dars, c'est le prochain. Ce que tu n'as pas compris dans le prochain, ça arrivera. Bak, il y a deux choses. La première chose, Al-Nahoum, ils ont emmené le livre Hada. Vous vous rappelez, on devait faire Sharh al-Sudur fi Tahrim Raf' al-Qubur, l'imam Shawkani. Vous vous rappelez, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Ils l'ont reçu. Fa bi'idnillah, et essayez de l'acheter. On ne fera pas le prochain livre, il y en a peut-être que vous n'aurez pas le temps de l'acheter. On fait tafsir surat al-Fatiha, thumma, on finit ma'ana al-Ta'ud, on finit le majmou'a Hada. Thumma, si on a le temps, on fera Hada. Demain, il n'y a pas d'ars, après demain, jazakumullahu khayran.